Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, Ben Habbar face à Franck Dubosc. Lucas est devenu une superstar en s'étant approprié les chansons d'un ami qu'il croyait disparu. Soudainement, cet ami réapparaît. Lucas, pour lui cacher sa fortune et sa célébrité, commet l'erreur de demander à Francis, un comédien raté, de prendre sa place. Les passagers vont et viennent perdus dans des pensées. C'est chouette ton truc là, c'est de qui? Ah, tu devineras jamais, c'est tout à l'heure en fuyant dans la cave. C'est tout con un carnet bleu, mais ce carnet bleu, il allait changer ma vie. C'est allé très vite, très haut, très très haut. Tu sues de là, comme Enrico Macias. Faut pas que tu sues. Les stars, ça vit sur une autre planète. Moi, pour être sûr de garder les pieds sur Terre, j'avais gardé Francis. C'est la Wii Bowling. En attendant, tu vas me faire un petit coup de Wii rangement. Francis était provisoirement installé pour une nuit, depuis 10 ans. Thomas, il y a un copain qui va s'installer ici pour 3 jours. Faut absolument pas qu'il sache que je suis devenu chanteur, que j'ai du succès. Donc cette maison est à toi. Cette maison est à moi? Merci, écoute. On fait croire. La Mercedes aussi est à toi. La Mercedes? Oh mais là, je sais pas quoi dire. Là, merci, c'est génial. Tu m'as pas dit alors? Qu'est-ce que tu deviens toi? C'était le moment, fallait tout lui dire. Son carnet bleu, le succès, la vedette que j'étais devenue grâce à lui. Toujours contrôleur. Menteur, Pinocchio. Incognito, une excellente comédie d'Éric Lavenne avec Ben Habbar, Franck Dubosc et l'excellente Isabelle Nanty. Un DVD Fox Pathé au repas.